J'habite à Paris. Et toi, tu habites où? Moi, j'habite à Madrid. Et toi, Carolina, tu habites dans quelle ville? J'habite à Rome.